ce soir, Ringo Starr. Et même si ce soir, Johnny Depp. Et même si ce soir, la nouvelle star. Et même si ce soir, Tony Fonblard. Moi, ce que je veux, c'est tes bras. Moi, ce que je veux, c'est toi. Et même si ce soir, Fernandel. Et même si ce soir, Jackie et Michel. Et même si ce soir, Jamie Cullum. Et même si ce soir, salut c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Moi, ce que je veux, c'est tes bras. Moi, ce que je veux, c'est toi. Et même si ce soir, tous les artistes du monde la galaxie et même de l'univers. Moi, ce que je veux, c'est tes bras. Moi, ce que je veux, c'est toi.